14-40, observation, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, luxueux. Féminin, luxueuse. Silencieux, silencieuse. Cérémonieux, cérémonieuse. Merveilleux, merveilleuse. Vivant, vivante. Président, présidente. Excellent, excellente. Propre, propre. Sale, sale. Sympathique, sympathique. Bon marché, bon marché. Cher, cher. Caissier, caissière. Banquier, banquière. Gardien, gardienne. Parisien, parisienne. Franc, franche.